Chapitre 19e. Un naufrage en Seine. Monsieur Le Noël avait son bateau de pêche dans le petit bras de Seine, en face le restaurant Nouveau Robinson, qui se trouve au-dessous du pont Binot, dans l'île de la Grande Jatte. Monsieur Le Noël était sûr de son chasse-canard, excellente embarcation du reste. Il était stable sur l'eau, léger à la rame, doux à tirer. Il était du reste sorti des mains du meilleur constructeur de Paris. Monsieur Le Noël l'avait commandé à Alcide, le fils de Madame Henri, qui tient les bains froids de la Jatte. Comme tout ce que fait Alcide, le bateau était élégant et solide. Son nom, la Belle Poule, s'étalait à l'arrière en lettres d'or. Or, une nuit, vers 1 heure, glissait sur l'eau lentement, sans bruit, un autre chasse-canard, monté par 2 hommes, qui vint se ranger auprès de celui de Monsieur Le Noël. Il fut amarré à la bouée, et son équipage passa dans celui de Monsieur Le Noël. Les deux bateaux se ressemblaient si bien que M. Le Noël lui-même n'aurait pu dire la nuit surtout lequel était le sien. Les deux mariniers, avec de fausses clés, ouvrirent les cadenas de la Belle Poule et l'emmenèrent en amont, laissant l'autre bateau à sa place. Était-ce un vol? Non. Quand on s'empare d'un canot, on n'en remet pas un autre à sa place. Les deux mariniers, en ramant contre le courant, causaient à voix basse en langue bohémienne. L'un d'eux dit « Père Silor, vous savez que le bonhomme vient quelquefois pêcher la nuit à la balance. S'il en avait la fantaisie cette nuit, il ne reconnaîtrait pas notre bateau du sien. » Le constructeur l'a fait sur le même gabarit, dit le gitano interpellé. Il a les mêmes peintures. Impossible, par ailleurs, de distinguer l'un de l'autre. Tout est-il prêt là-haut? Le fond est fini. Il est goudronné et paré. Il n'y a plus qu'à le coller. Le plus long et le plus difficile sera de défaire celui de la Belle Poule. C'est l'affaire des autres. Il paraît que nous allons trouver là une équipe de charpentiers finis. Nous avons affaire à de fameux ouvriers en bateau. Ce sont des frères étrangers. Ils viennent des bords du Rhin. Celui qui avait donné ces détails était le maître de l'autre d'après la hiérarchie patriarcale établie dans les tribus des bohémiens. Ils arrivaient. Le lieu de débarquement était cette île que les pêcheurs s'entêtent, appelée l'île Rothschild, et qui se nomme en réalité l'île de Puteaux. Elle est longue et large. La ferme qui peuple seule sa solitude n'occupe que peu de monde. Un clan de bohémiens qui avait envahi l'île tenait ce bâtiment en observation. Sur les rives, il y avait de 200 pas en 200 pas des factionnaires. Personne ne pouvait aborder sans être aussitôt signalé. La Belle Poule était attendue. 8 hommes la reçurent, la halèrent sur le sol et l'enlevèrent comme une plume. Ils la portèrent dans un chantier improvisé au milieu des arbres. Cependant, une équipe de charpentiers s'était emparée de la Belle Poule. Comme l'avait dit Silor, ces hommes étaient très habiles. Bohémiens du Rhin, vivant sur bateau, ils étaient experts en tout ce qui touchait la navigation. Ils travaillèrent, éclairés par des lanternes sourdes, qui projetaient la clarté par jets exclusivement concentrés sur l'espace nécessaire, sans irradiation ni reflet. L'écran des lanternes était manœuvré de façon à ménager habilement la somme des rayons utiles. Ces hommes arrachèrent les pointes qui reliaient les membrures aux barres transversales du fond. Il y avait un ouvrier par membrure. Ce fut vite fait. Le fond lui-même fut ensuite décloué. Le nouveau fond, préparé d'avance, s'adaptait admirablement et il fut placé en peu d'instants. En ce moment, le chef des bohémiens du Rhin appela le vieillard. « Le chasse-canard est à l'eau, » dit-il. « Le fond tient bien. Dans 5 ou 6 heures seulement, l'enduit sera fondu et alors, sous une charge de plusieurs personnes, il sombrera d'un seul coup. Tu peux embarquer. »« C'est bien, » dit Silor. « Au revoir, frère. »« Frère, au revoir. » « Bon succès. La reine te doit une grâce si tu réussis, et je te souhaite de l'obtenir. Ton crime a été grand, mais tu l'as expié, et il est bon que nos vieillards meurent dans les tribus. » Le patriarche des charpentiers, qui parlait ainsi à Silor, lui serra la main à la façon des gitanos. Ce fut pour Silor comme un commencement de réhabilitation. Il monta lestement sur la Belle Poule et appela l'adresse d'un geste. Celui-ci mit prudemment le pied sur le bateau et il essaya la force du fond. « La drèche, tu es un vrai fils de chrétien !» lui dit Silor avec colère. « Décidément, rien ne peut remplacer le sang de la race et tu ne seras jamais un vrai bohémien. »« Un peu de prudence ne nuit pas, » dit la drèche. « Nage !» commanda Silor, et le chasse-canard fila sur l'eau. Un quart d'heure après, d'autres barques passaient la rivière portant les travailleurs de cette nuit pendant laquelle la mort de 3 personnes fut préparée avec tant d'habileté. Tous ces hommes se dispersèrent silencieusement dans la nuit. Au jour, dans l'île, pas de traces. La belle poule, remise en place, avait son aspect habituel. Il lui fallut un examen bien attentif à Alcide, le constructeur lui-même, pour qu'il pût dire quelle transformation le bateau avait subie.